Le comité préparatoire national pour le 75e anniversaire de naissance de Son Excellence Généralissime Kim Jong-il vient d'être constitué à Abuja, Nigeria. À cette occasion, le comité préparatoire a décidé d'organiser diverses cérémonies politico-culturelles comme rassemblements et séances de films en l'honneur de la noble vie révolutionnaire et des immortels exploits du grand homme coréen et de présenter largement les succès des militaires et civils coréens remportés dans la sauvegarde de la souveraineté du pays et l'édification d'une puissance socialiste sous la direction éminente du dirigeant suprême Kim Jong-un. Par ailleurs, le comité préparatoire national béninois pour le jour anniversaire du général Kim Jong-il est constitué à Cotonou.